بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من المجالس التذكيرية المتعلقة بحق رب العزة سبحانه وتعالى، هذا الحق الذي من أجله خلقت الخليقة. Donc c'est une autre assise parmi les assises du rappel concernant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel il a créé toute la créature. قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله وقد يقول قائل واسمع أخ الإسلام لمن يفهم حقيقة فقه الواقع ومن تهمهم في الحقيقة مصالح هذه الأمة. قال حفظه الله قد يقول قائل وقد قيل هذا، ما بالكم دائما تهتمون بالتوحيد وتكثرون الكلام فيه ولا تتناولون قضايا المسلمين في الوقت الحاضر الذين يقتلون ويشردون في الأرض وتلاحقهم دول الكفر في كل مكان. Écoute, frère, en Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse écouter, nous fasse entendre tous la vérité et le bien là où il est. Écoute ceux qui comprennent réellement la situation et qui connaissent au mieux les intérêts de la communauté. Son éminence, Cheikh Al-Fawzan, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et allons sa vie dans son obéissance, a dit, et il a été dit, qu'est-ce que vous vous préoccupez, vous vous occupez tout le temps du monothéisme, et vous n'arrêtez pas de parler du monothéisme et du tawhid, alors que vous ne traitez pas les situations et les problèmes que vit la communauté, les musulmans, à notre époque. Les musulmans qui se font tuer à travers la planète à l'est et à l'ouest, derrière lesquels il y a des mécréants qui s'acharnent sur eux. قال حفظه الله التوحيد هو الأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية فالاهتمام به اهتمام بالأصل. وإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدنا أنه بيّن التوحيد تبيانا كاملا حتى إنه لا تخلو صورة من صور القرآن إلا وفيها تناول للتوحيد وبيان له ونهي عن ضده. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Le tawhid, c'est la base sur laquelle la voie de la religion est basée. Sur laquelle la hanifia, la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, est basée. Le fait de s'occuper du monothéisme, c'est s'occuper de la fondation et de la base. Il dit, si on médite le Coran, trouve que le Coran n'est qu'un éclaircissement dans l'ensemble, n'est qu'un éclaircissement sur le tawhid, sur le monothéisme. Au point que, dans toutes les sourates du Coran, les sourates traitent du monothéisme. Et les sourates aussi nous éclairent sur le polythéisme qui est le contraire du monothéisme. قال حفظه الله وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله في التوحيد لأنه إما إخبار عن الله وأسمائه وصفاته وهذا هو التوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية وإما أمر بعبادة الله وحده لا شريك له ونهي عن الشرك وهذا هو التوحيد العملي الطلبي وهو توحيد الألوهية وإما أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهي عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته وإما إخبار عما عد الله للموحدين من النعيم والفوز والنجاة والنصر في الدنيا والآخرة أو إخبار عما حل بالمشركين من النكال في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة من العذاب الدائم والخلود المؤبد في جهنم وهذا في من حقق التوحيد وفي من أهمل التوحيد. هذا ما ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى عن ابن القيم في مدارج السالكين. إلدي حفظه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله أكون في غمك القرآن ونونتي إنه كونسرن كل مونوتيزم كل توحيد. Car le Coran, soit ce sont des annonces sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, soit c'est, et ça c'est le monothéisme scientifique qui concerne la seigneurie et les noms des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit ce sont des ordres. Les ordres de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sont lui donnés d'associer. Et ça c'est le monothéisme qui est demandé. Et le but, hein, qui demandait à accomplir, à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le monothéisme de l'adoration. Soit ce sont des ordres. Dans le Coran, ce ne sont que des ordres pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour obéir à son messager alayhi salam. Soit ce sont des textes qui nous interdisent la désobéissance à Allah et la désobéissance à son messager alayhi salam. Et ça, ce sont les droits du monothéisme et les points qui vont compléter le monothéisme de la personne. L'obéissance aux ordres et le fait de s'éloigner et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Ça, ce sont les droits et les obligations du monothéisme qui vont compléter le monothéisme. Soit, ce sont des annonces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annoncées, l'annonce qu'il a préparée au monothéisme. Parmi les grands délices, parmi la grande réussite, parmi la félicité, que ce soit dans ce bas monde ou dans le delà. Ah, dans le Coran, il est cité le triomphe que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux croyants dans ce bas monde. Et comment il les a fait triompher sur ses ennemis, subhanahu wa ta'ala. Et aussi dans le Coran est annoncé tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux croyants dans le delà. Soit aussi ce sont des annonces où Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce ce qui est arrivé aux associateurs comme châtiment dans ce bas monde. Et ce qui les attend encore, qui est pire dans le delà, qui est l'éternité dans le châtiment. Hein? Et ça, ceci, ces annonces qu'il y a dans le Coran, ce sont pour ceux, les bonnes annonces sont pour ceux qui ont réalisé le monothéisme, et les châtiments et les avertissements sont pour ceux qui ont négligé et qui n'ont pas donné l'importance au monothéisme et qui se sont détournés du monothéisme. Ça, c'est le résumé des paroles du Cheikh al-Fawzan qu'il a pris dans Madaris Salikin, al-Ibn al-Qayyim, rahimahullah. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: إذن فالقرآن كله يدور على التوحيد، وأنت إذا تأملت الصور المكية تجد غالبها في التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. Il dit حفظ الله سبحانه وتعالى préserve et annonce sa vie de son obéissance. Donc le Coran en entier tourne ne concerne que le monothéisme. Il dit, si tu médites les sourates mécoises, ce sont toutes, en général, ce sont tous les sourates qui ont été révélées avant l'immigration, avant l'hijra vers Médine. Donc il dit, si tu médites les sourates mécoises, tu vois que la majorité de ces sourates ne concerne que le monothéisme. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque 13 ans, à appeler les gens vers le monothéisme, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas lui donner d'associés et les avertir contre le polythéisme et l'associationnisme. قال حفظه الله ما نزلت عليه أغلب الفرائض من زكاة وصيام وحج وغير ذلك من أمور الحلال والحرام وأمور المعاملات ما نزل هذا إلا بعد الهجرة في المدينة إلا الصلاة فقد فرضت عليه في مكة ليلة المعراج حين أسري به ولكن كان هذا قبيل الهجرة بقليل. Il dit حفظه الله تعالى toutes les obligations comme la zakat, comme le jeûne, comme le pèlerinage et autres, tous les sujets qui concernent le licite, l'illicite, ce qui concerne les transactions commerciales et ainsi de suite, tout ceci n'a été révélé au messager alayhi sallam qu'une fois qu'il y a eu la hijra vers Médine, qu'une fois qu'il s'est installé à Médine, sauf la prière qui lui a été faite obligatoire à Mecca la nuit de l'ascension, la nuit hein, où il y a eu le Mi'raj, hein, l'ascension du prophète alayhi salam. Et ceci, c'est peu de temps avant la hijra vers Médine. قال حفظه الله ولذلك كان غالب الصور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كلها في قضايا التوحيد مما يدل على أهميته وأن الفرائض لم تنزل إلا بعد أن تقرر التوحيد ورسخ في النفوس وبانت العقيدة الصحيحة لأن الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد ولا تؤسس إلا على التوحيد. Il dit, Habibullah Ta'ala, donc, la majorité des sourds hein, qui sont descendus à la Mecque sur le prophète alayhi salam avant la hijra, toutes ne traitent que du monothéisme. Et cela prouve l'importance du monothéisme et que les autres obligations n'ont été révélées qu'après que le monothéisme s'est habité les cœurs. Et si on renseigne dans les croyances des gens et dans leur cœur et dans leurs âmes, après que la aqida authentique, les croyances authentiques ont été clarifiées, car les œuvres ne peuvent être valides qu'avec le monothéisme. Ils ne peuvent être acceptés, inshallah subhanahu wa ta'ala, que s'ils sont basés sur le monothéisme. قال حفظه الله وقد أوضح القرآن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو شأن الرسل البداءة بالتوحيد. Donc, il dit حمد الله تعالى القرآن nous a clarifié hein, que les messagers عليهم الصلاة والسلام tous, la première des choses avec laquelle ils commencent leur da'wa, c'est la da'wa vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant toute autre chose, le tawhid avant toute autre chose. Comme les versets qu'il a cités dans la traduction approximative nous dit cela. Chaque prophète que nous avons suscité dans chaque communauté, on lui a ordonné, il a dit à son peuple, adorez Allah, réservez le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Appel vers le monothéisme et désavoue complètement et rejette complètement du polythéisme. Dans l'autre verset qu'il a cité, tout messager que nous avons avant toi, nous lui avons révélé, il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-le. Hein? Donc chaque prophète a commencé la da'wa de son peuple par ceci. Ô peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. Et ça, c'est la situation de tous les prophètes, alayhi salatu wassalam. Ils ne commencent leur da'wa qu'avec le monothéisme. قال حفظه الله وكذلك أتباع الرسل من الدعاة والمصلحين أول ما يهتمون بالتوحيد لأن كل دعوة لا تقوم على التوحيد فإنها دعوة فاشلة لا تحقق أهدافها ولا تكون لها نتيجة كل دعوة تهمش التوحيد ولا تهتم به فإنه تكون دعوة خاسرة فإنها تكون دعوة خاسرة في نتائجها وهذا شيء مشاهد ومعروف. Il dit حفظه الله تعالى, il en est de même pour les disciples et pour tous ceux qui ont suivi les messagers عليهم الصلاة والسلام et il en est de même de tous les prêcheurs et les réformateurs en bien. La première des choses de laquelle ils s'occupent, c'est le monothéisme. Car toute da'wa qui n'est pas basée sur le monothéisme est une da'wa qui va à sa perte. C'est une da'wa qui n'arrivera pas à accomplir les buts pour lesquels elle a été fondée. Parce que la fondation principale qui est le monothéisme n'existe pas. Il n'y aura aucun résultat. Hein? Donc toute da'wa qui néglige le monothéisme, qui ne s'occupe pas du monothéisme, c'est une da'wa à la base perdante. Hein? aucun résultat. Et il dit ceci, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vécu. قال وكل دعوة تركز على التوحيد فإنها تنجح بإذن الله وتثمر وتفيد المجتمع كما هو معروف من قضايا التاريخ. Il a dit toute da'wa qui est basée sur le monothéisme, il réussit par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aura des bons effets sur les sociétés, comme ceci est connu, déterminé dans l'histoire de l'humanité. J'ouvre une parenthèse. أقول هنا تأملوا هذه الدعوات الإخوانية التي أقامت الفوضى في العالم الإسلامي بما سماه الغرب بالربيع الإسلامي كذبا وزورا، وتأملوا كل هذه المناهج الموجودة الآن من تبليغيات وسروريات وصوفية وقطبية، كل ما تريد، ماذا قامت في المجتمعات؟ ما هي دعوتها حقيقة في المجتمعات؟ إلا الفوضى، إلا الفوضى والفساد، فهؤلاء هذه الجماعات يصح عليها قول الشيخ علي الوصيف رحمه الله، كما قال عن الإخوان: أفلسوا في السياسة وابتدعوا في دين الله عز وجل، فهم بين الإفلاس والإفلاس في السياسة والابتداع في الدين. وهذا لك أن تعممه على كل هذه الجماعات، أفلسوا من ناحية السياسية وأفلسوا كذلك من ناحية الدينية بابتداعهم في دين الله سبحانه وتعالى. ولنا أن نتأمل دعوة الإمام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمه الله، انظر ماذا نتج عنه: بلاد لا يوجد فيها قبر يعبد من دون الله عز وجل، وعلمها مرفوع في السماء، العلم الوحيد المكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثمارها تعرفونها، الثمار تبين لك الحقيقة، حقيقة كل شيء. فهنا الله سبحانه وتعالى جوغ اون بارونتيز ميديتي سي ميثودولوجي دو لا دعوة كي اكزيست maintenant. Que ce soit la da'wa d'Ikhwan, la da'wa de différentes sectes soufis, la da'wa de Tabligh, la da'wa de Sururi, toutes les da'wa qui existent maintenant. Regardez ce qu'ils ont, leurs effets, leurs mauvais effets dans les sociétés. Et ça, vous avez un exemple flagrant, ce qui s'est passé durant ce que l'Occident a appelé le printemps arabe, plutôt le sang des Arabes. Et la destruction des pays de l'islam. Ce n'est pas un printemps. Où est-ce que tu as vu un printemps où on fait couler le sang des innocents? Le printemps, ce sont les oiseaux qui chantent, ce sont les coquelicots qui fleurissent, etc. Et là, on n'a vu que la destruction. La destruction des biens publics et la destruction des biens privés. Les viols, les assassinats. Et ceci, c'est de la corruption sur terre. La corruption sur terre à sortir et manifester ainsi, etc. C'est de la corruption sur terre. Combien de femmes ont été violées? Combien d'innocents ont été tués? Et ainsi de suite. Et ce genre de tendance, il y a une belle phrase du Cheikh Ali Al-Wasif, rahimahullah, quand il a écrit son gros volume sur l'Ikhwan, il a dit: les frères musulmans entre la faillite politique et l'innovation dans la religion. Mais ce titre, tu peux le coller à toutes ces tendances qui existent. Tous, ils ont fait faillite dans la politique et en même temps, ils ont englouti la communauté dans les innovations. Et les fruits d'une chose te donnent la réalité, te montrent la réalité d'une chose. Regardez toutes ces tendances, ce qu'ils ont amené au monde musulman comme destruction. L'Irak, regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, en Égypte, et ainsi de suite. Regardez ce qui se passe sur le terrain maintenant comme anarchie, dans la ville de Dakar. Et méditez cela et comparez-le avec la da'wa du revivificateur du XIIe siècle, Mohammed ibn Sulayman Tamimi, rahimahullah. L'effet de sa da'wa nous a fait hériter un État islamique dans lequel il n'y a pas une tombe qui s'adore en dehors d'Allah. Ou pour laquelle on égorge. Abadan. Il nous a fait hériter un drapeau qui est élevé vers le ciel, sur lequel il y a l'attestation de foi, ni digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et nous devons regarder les choses avec objectivité, voir la réalité des choses, et ne pas se faire avoir par les slogans. Les slogans, ce ne sont que des slogans. Et quand la poussière disparaît, il apparaît sur quoi tu es, si tu es sur un âne ou là si tu es sur un cheval. يقول حفظه الله ونحن لا نهمل قضايا المسلمين بل نهتم بها ونناصرهم ونحاول كف الأذى عنهم بكل وسيلة وليس من السهل علينا أن المسلمين يقتلون ويشردون ولكن ليس الاهتمام بقضايا المسلمين أن نبكي ونتباكى ونملأ الدنيا بالكلام والكتابة والصياح والعويل فإن هذا لا يجدي شيئا. Il dit, Abdallah Ta'ala, et nous, on néglige pas la situation et les mauvaises situations que les musulmans vivent. On s'occupe d'eux et on essaye de les faire triompher, de les aider par tous les moyens que nous possédons, qui sont possibles. Il ne nous est pas facile de savoir qu'il y a des musulmans qui se font tuer, dont les maisons se font détruire, et ainsi de suite. Mais s'occuper et donner l'importance aux situations des musulmans, ça ne veut pas dire qu'il faut pleurnicher. Il faut remplir le monde par des paroles, par des cris, par des slogans, et par des écrits, et par des cris. Il a dit ceci ne sert à rien du tout. Et il a raison, Habibullah Ta'ala. لكن العلاج الصحيح لقضايا المسلمين أن نبحث أولا عن الأسباب التي أوجبت هذه العقوبات التي حلت بالمسلمين وسلطت عليهم عدوهم. Il a dit, mais le réel remède pour les situations que vivent les musulmans, c'est de chercher les causes réelles qui ont prévalu à la communauté ces châtiments et qui ont prévalu à la communauté le fait que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala l'écrasent, ils sont derrière son dos. Il a dit, mais c'est quoi la cause qui fait que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en train d'écraser les musulmans, ils sont derrière les musulmans. قال حينما ننظر في العالم الإسلامي لا نجد عند أكثر المنتسبين إلى الإسلام تمسكا بالإسلام إلا من رحم الله إنما هم مسلمون بالإسم فالعقيدة عند أكثرهم ضائعة يعبدون غير الله يتعلقون بالأولياء والصالحين والقبور والأضرحة ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يصومون ولا يقومون بما أوجب الله عليهم ومن ذلك إعداد القوة لجهاد الكفار هذا حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام ضيعوا دينهم فأضاعهم الله عز وجل وهذا الواقع الذي نعيشه وهو واقع مر ولكن هي الحقيقة التي لا بد منها أن ننظر إليها. Il dit, حفظه الله تعالى, quand on regarde le monde musulman, on voit que beaucoup parmi ceux qui s'affilient à l'islam, et qui prétendent être des musulmans, sauf une minorité que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde, mais dit beaucoup, nous sommes musulmans que par le nom. Il dit, cherche la aqida authentique chez beaucoup. Il dit, la aqida, il est perdu chez beaucoup. Il est négligé par beaucoup. Il dit, ils adorent autre qu'Allah. Ils sont attachés aux vertueux, aux saints qui sont enterrés dans les tombes. Ils sont attachés, ils vouent des cultes, aux mausolées. Ils n'accomplissent pas la prière. Ils ne s'acquittent pas de la zakat, ils ne jeûnent pas. Ils n'accomplissent pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait obligatoire. Et parmi ceux-là, le fait de se préparer et de préparer la force pour contrer les ennemis d'Allah Azza wa Jalla. Elle dit ça, c'est la situation de beaucoup de ceux qui s'affilient à l'islam. Ils ont négligé leur religion. Allah subhanahu wa ta'ala les a négligés. قال وأهم الأسباب التي أقعت بهم هذه العقوبات هو إهمالهم للتوحيد ووقوعهم في الشرك ولا يتناهون عنه ولا ينكرونه من لا يفعله منهم فإنه لا ينكره بل لا يعده شركا كما سيأتي بيانه إن شاء الله فهذه أهم الأسباب التي أحلت بالمسلمين هذه العقوبات. Il dit, Habibullah, les plus importantes causes qui ont prévalu à la communauté musulmane ces châtiments, c'est leur négligence du monothéisme. Et le fait que beaucoup sont dans l'associationnisme et dans le polythéisme majeur. Et ils ne se blâment pas, ils ne blâment pas le monothéisme. Ils disent, celui qui ne le fait pas, qui ne pratique pas le polythéisme, il ne le blâme pas. Hein? Il dit, certains même ne considèrent pas le polythéisme comme de l'associationnisme. Il dit, comme il va en donner les éclaircissements. Et ça, ce sont les causes principales qui ont prévalu à la communauté ces châtiments. C'est quoi ces causes? Le polythéisme, dans lequel se trouvent beaucoup, et dans le fait où certains ne le blâment pas, hein, et d'autres, hein, ne le considèrent même pas comme du polythéisme. Hein? Ils considèrent que c'est une forme d'adoration, il n'y a pas de problème. Et ça, en réalité, quand on regarde cette analyse qu'il a fait, ça, c'est la réalité que vit la communauté. Ça, c'est le réel fiqh al-waqi. Hein? C'est pas les nouvelles actualités qu'on entend dans le Khassira et CNN et j'en passe. Ah, là, c'est la réalité de la situation. Hein? Et la communauté ne sortira pas de cet avilissement que jusqu'à ce qu'il revienne à la religion sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses nobles compagnons, ceux qui les suivent à la perfection. يقول حفظه الله ولو أنهم تمسكوا بدينهم وأقاموا توحيدهم وعقيدتهم على الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا لما حل بهم ما حل. قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال حفظه الله فبين أنه لا يحصل النصر إلا بهذه الركائز التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول وأين هذه الأمور في واقع المسلمين اليوم؟ أين الصلاة عند الكثير من المسلمين؟ بل أين العقيدة الصحيحة عند كثير من يدعون الإسلام؟ يدي حفظه الله تعالى si les musulmans se cramponnaient à leur religion et qu'ils accomplissent leur religion sur le monothéisme, sur une aqida authentique dont la source est le livre d'Allah et la sunna, s'ils se cramponnent à l'once d'Allah et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils ne se divisent pas dans leur religion, il ne leur est pas arrivé ce qu'il leur est arrivé. Ils n'auraient pas subi ce qu'ils sont en train de subir. Et il a cité le verset qui prouve ce qu'il a dit. Habibullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala fera triompher ceux qui font triompher sa religion. Car il est le puissant, subhanahu wa ta'ala. Il est, qui cela qu'il fera triompher? Il les a décrits ainsi. Ceux à qui on donne le pouvoir sur terre, ils accomplissent la prière. Remarquez bien, accomplir la prière, c'est pas prier. C'est pas la même chose. Ils s'acquittent de la zakat. Ils ordonnent le bien. Ils blâment le mal. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, la fin de toute situation. Il dit, habidahullah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié sur ce qui va donner le triomphe à la communauté musulmane. Et il nous a montré les piliers qui vont lui pouvoir lui donner le triomphe, qui sont cités dans le verset, l'accomplissement de la prière, et sur ceci, après une aqida authentique, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Regardez, cet emblème de la religion qui est le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Qui le fait? Regardez dans notre entourage et dans tout. Hein? Regardez le polythéisme que certains vivent, qui lèvent la voix avec un mot pour blâmer cela. Alors que c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train d'être transgressé. Il dit, habidallahu ta'ala, où sont ces piliers et ces choses dans la réalité que vit la communauté aujourd'hui? Il dit, où est la salat? Si beaucoup de musulmans, Ils disent, mais où est la aqida authentique chez beaucoup de ceux qui se disent, qui s'affilient à l'islam? Cela ne veut pas dire qu'ils ne seront kuffar. Abadan, très attention, il part, c'est une forme générale d'une analyse, d'une situation générale, hein, parmi les choses qu'il a analysées, qui se voient, et que nous aussi on voit. L'associationnisme, les bêtes qui s'égorgent pour autre Allah, et ainsi de suite, le tawaf qui se fait autour des tombes, à travers le monde musulman, et ainsi de suite. Wa qala ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يقول حفظه الله لكن إن الشرط لهذا الوعد, فهذا الوعد له شرط ثقيل, قال لكن إن الشرط لهذا الوعد يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول حفظه الله فبين أن هذا الاستخلاف وهذا التمكين لا يتحقق إلا بتحقق شرطه الذي ذكره, وهو عبادته وحده لا شريك له, وهذا هو التوحيد. فلا تحصل هذه الوعود الكريمة إلا لمن حقق التوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له. وعبادة الله تدخل فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الطاعات. Et il cite, Habibullah Ta'ala, le verset qui dit, dans la traduction approximative du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui ont cru parmi eux et qui ont accompli les bonnes œuvres qu'il va leur donner le pouvoir et la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux avant eux, et il va renforcer leur religion, qu'il leur agréé, et qu'il va changer leur peur par la sécurité. Par une sécurité. Mais il dit, Habibullah, où est la condition pour cette promesse? La promesse, elle est là. Mais il dit, Habibullah Ta'ala, où est la condition pour mériter cette promesse? Et le verset, il dit, ramenons la condition, qui n'est pas une mince à condition. Il m'adore sans me donner aucun associé. C'est-à-dire, il réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Habibullah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a montré que la succession sur terre et le pouvoir sur terre ne saurait se réaliser qu'en concrétisant cette condition qui est citée dans le verset, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le tawhid, ça, c'est le monothéisme. Donc, il dit, Habibullah, toutes ces nobles promesses ne se réaliseront qu'une fois que le monothéisme a été réalisé, en réservant le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, il dit, dont l'adoration englobe la prière, englobe le jeûne, englobe le zakat, englobe le hajj, englobe toute forme d'obéissance à Allah. يقول حفظه الله ولم يقول سبحانه وتعالى يعبدونني فقط بل أعقب ذلك لا يشركون بي شيئا. لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك, بل لا بد من اجتناب الشرك أيا كان نوعه وأيا كان شكله وأيا كان اسمه, وهو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. Il dit, حفظ الله تعالى, mais dites la parole d'Allah, il n'a pas dit tout simplement il m'adore, mais il a suivi ce terme par il ne me donne aucun associé. Ah, donc tu as la négation et l'affirmation. Car l'adoration ne peut être bénéfique à quelqu'un, il ne peut pas être bénéfique à quelqu'un en l'existence du polythéisme chez la personne. Abadan, il est obligatoire d'éviter toute forme d'associationnisme, toute forme de polythéisme, peu importe l'aspect qu'il a, du moment que c'est du polythéisme, khlas, il faut l'éviter, peu importe le nom que les gens lui donnent. Hein? Et le polythéisme, sa définition, c'est le fait de vouer une adoration qui n'éduque qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ou un acte qui n'éduque qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala habidallah, hada huwa sababu najati, wa salamati, wa nasri, wa tamkini fil ard, salahu al-aqida, wa salahu al-amal, wa biduni dhalik fa inna al-uqubat, wa al-nakabat, wa al-mathulat, قد تحل بمن أخل بشيء مما ذكره الله من القيام بهذا الشرط، وهذه النكبات وهذا التسلط من الأعداء سببه إخلال المسلمين بهذا الشرط وتفريطهم في عقيدتهم ودينهم واكتفاؤهم بالتسمي بالإسلام فقط. انتهى المراد من كلامه من مقدمته على رسالة دروس من القرآن الكريم حفظه الله تعالى ومتع به. إذا حفظه الله تعالى ça c'est la cause pour être sauvé. Ça c'est la cause pour être sauvé, pour avoir le pouvoir sur terre, pour avoir le triomphe. Il faut qu'il y ait une bonne aqida et que les œuvres soient des œuvres vertueuses. C'est-à-dire, c'est quoi une œuvre vertueuse? C'est celle qui est basée sur la sincérité, sur le suivi. Il a dit, sans cela, il faut s'attendre au châtiment. Il faut s'attendre au déshonneur. Il a dit, si on est négligent de ces choses que Allah subhanahu wa ta'ala a citées, et si qu'on n'accomplit pas cette condition qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'attendre tout simplement à l'écrasement et à être rabaissé, à être déshonoré, à être combattu par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, le fait que les musulmans subissent maintenant s'ils sont en train de subir, c'est parce qu'ils ont négligé cette condition. Au niveau de leur croyance, au niveau de leurs pratiques religieuses, ils se sont suffis tout simplement du fait de s'affilier à l'islam et de se dire je suis musulman. Fin de citation des paroles voulues dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, prises dans une introduction de son livre qui est intitulé Durus min al-Qur'an, des leçons du Qur'an. Fa akhwat al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-ikhlas, hada wajib. واجب علينا لكي ينال المرء هذا التواب المترتب على التوحيد وهذه العزة المترتبة على التوحيد. وتأمل قول الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة يرتقي بالمؤمن في خلقه وتفكيره، ينقذه من زيغ القلوب وانحلاف الأهواء وظلمات الجهل وأوهام الخرافة، ينقذه من المحتالين والدجالين وما أكثرهم لا كثرهم الله، وأحبار السوء ورهبانه ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. التوحيد يحفظ الإنسان من الانفعالات بلا قيد أو ضابط. توحيد الله والعبودية التامة له وحده سبحانه وتعالى تحقيقا لكلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظها ومعناها والعمل بمقتضاها، يقيم المسلم عليها حياته كلها، صلاته ونسكه ومحياه ومماته. توحيد في الاعتقاد، توحيد في العبادة، توحيد في التشريع، توحيد تنقى به القلوب والضمائر من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله سبحانه وتعالى، وتنقى به الجوارح والشعائر من أن تصرف لأحد غير الله سبحانه وتعالى، وتنقى به الأحكام والشرائع من أن تتلقاها من أحد دون الله سبحانه وتعالى. والتوحيد هو أول الدين وآخره، فالذي سيفلح الذي سيموت على التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول الدين وآخر الدين وظاهر الدين وباطن الدين وقطب روح الدين وذروة سنامه، قامت عليه الأدلة ونادت عليه الشواهد وأوضحته الآيات وأثبتته البراهين، نصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة ووجبت به الذمة وعصمت به النفس وانفصلت به دار الكفر عن دار الإسلام، وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي ومهتد وغوي. فالتوحيد أمره أمر مهم جدا، هو أعظم وسيلة لتكفير الذنوب، ولا يقبل الله أي عمل إلا بالتوحيد. لا بد من العناية بالتوحيد، لا بد من العناية بالتوحيد والعناية بتحقيق التوحيد وإعطاء حقه الذي لا بد منه. فإن الله سبحانه وتعالى La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala avec le monothéisme et la sincérité est obligatoire pour avoir les mérites du tawhid. Et comme il dit, ce verset dans la traduction approximative du sens nous dit cela. Quiconque soumet à Allah son être avec bienfaisance, saisit fermement l'anse solide, à Allah seul appartient l'issue finale de toute chose. Donc la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala et l'accomplissement de l'adoration des actes exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala fait évoluer le croyant dans son comportement, dans ses pensées et le sauve de la déviance, le sauve de la déviance des cœurs et le sauve des passions et le sort des ténèbres de l'ignorance et des illusions et des légendes à dormir debout et le sauve des mains des escrocs et des menteurs et de ces savants du mal et de ces demandeurs, de ces prétendus demandeurs de science qui exercent un commerce vil avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid évite à la personne les mauvaises réactions. Il ne réagit que conditionné par les règles du tawhid. Il ne réagit que par les règles qui lui sont dictées par le tawhid, par sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, c'est l'adoration complète pour Allah uniquement, pour la réalisation de la parole de l'unicité, ni digne d'être adoré qu'Allah et Muhammad, et le soumis le messager d'Allah, en l'exprimant et en comprenant son sens et en mettant en application ses obligations. Le soumis à Allah base toute sa vie, toutes ses adorations sur cette attestation de foi. Le tawhid dans la croyance, le tawhid dans l'adoration, le tawhid dans la législation, un tawhid qui purifie les cœurs et les consciences de toute divinité qui s'adore en dehors d'Allah. Le tawhid qui purifie les membres du corps et les préserve de vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid qui oriente le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala vers le fait de n'accepter aucune loi, si ce n'est les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, c'est le but de la législation. C'est le début de la législation. Et ça doit être sa fin. C'est-à-dire, la personne doit vivre dans le monothéisme, il doit mourir sur le monothéisme. Comme Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous a enseigné, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah rentrera au paradis. Donc, si on veut cela, ben, notre vie doit s'accomplir du début jusqu'à sa fin sur le monothéisme. Hein? Le tawhid, c'est la religion apparente des membres du corps, et c'est aussi la religion intérieure, la religion des cœurs. Le tawhid, c'est le pivot de la religion, et c'est le summum de celle-ci. Tout le Coran appelle à la réalisation du tawhid. Les versets du Coran ont clarifié le tawhid d'une façon claire. La qibla, la direction de la prière, a été désignée pour le monothéisme. Le tawhid, c'est la base principale de la religion. Le tawhid préserve les âmes, préserve la fortune de la personne, préserve son honneur. Le tawhid distingue entre la terre de mécréance et la terre de l'islam. Le tawhid divise les gens en deux catégories, les malheureux et les heureux. Ceux qui sont guidés et ceux qui sont dans la déviance. Ce que nous venons de voir nous montre que le tawhid, c'est le meilleur moyen pour effacer les péchés et qu'aucune œuvre ne serait acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala sans le tawhid. Et le but de tout ça, c'est de se motiver et de s'inciter mutuellement à réaliser ce tawhid et à lui donner l'importance qui lui est due et à faire très attention à son contraire. Ba'da أن ذكر الإمام المجدد رحمه الله تعالى بيان فضل التوحيد وتنسيقه تنسيق بديع رحمه الله تعالى بعد بيان حقيقة التوحيد وفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب جاء بهذا الباب الذي سنتطرق إليه الآن، يبين أنه لا بد من تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي لكي ينال المؤمن الثواب العظيم المترتب على تحقيق التوحيد. هذا الباب باب عظيم أعظم من الأبواب التي مرت، فضل التوحيد. في الحقيقة كل الموحدين سينالون فضل التوحيد، وخواص هذه الأمة الذين حققوا التوحيد كاملا هم المقصودون بهذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فإن الله سبحانه وتعالى dans ce troisième chapitre du revivificateur du 12e siècle Mohammed ibn Sulayman Tamimi rahimahullah, quel il a donné le titre, celui qui réalise le tawhid rentrera au paradis. Comme l'imam rahimahullah a cité le tawhid, les mérites du tawhid, il était tout à fait normal qu'il suive cela par ce chapitre. Et nous avons à méditer la façon exceptionnelle de l'enchaînement des chapitres dans ce livre et leur agréable concordance. Dans ce troisième chapitre est un degré plus élevé que les chapitres précédents. En effet, tous les monothéistes bénéficieront d'une part du mérite du monothéisme selon comment ils l'ont accompli. Alors que l'élite des monothéistes n'est constituée que par ceux qui réaliseront complètement le tawhid. Et c'est cette réalisation dont il s'agit dans ce chapitre. دل الكتاب والسنة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، وتحقيقه على نوعين، تحقيق واجب لا بد منه وتحقيق مندوب فوق الواجب. فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وهذا مقام أصحاب اليمين، وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. فالشرك الأكبر ينافيه بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، والبدع تقدح في التوحيد، والمعاصي تنقص من ثواب التوحيد، فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع والمعاصي. والمندوب الذي فوق الواجب هو تحقيق المقربين، فأضاف إلى ما تقدم فعل المستحبات وترك المكروهات وبعض المباحات، وهذا مقام السابقين المقربين، وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلبه شيء لغيره. فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فقد حصل الأمن التام والاهتداء التام. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la sunna prouve que celui qui réalise complètement le tawhid rentrera au paradis sans jugement et sans châtiment. La récompense complète du tawhid dépend de la réalisation complètement du tawhid, de sa signification. La réalisation du tawhid est de deux sortes, une réalisation obligatoire et une réalisation surrogatoire, c'est-à-dire qui contient l'obligation et il y a quelque chose de plus encore. La réalisation du tawhid obligatoire, c'est de le purifier de toute forme de polythéisme, de le purifier des innovations, de le purifier des désobéissances. Et ça, c'est la situation des gens, ashab, les amis, les gens de la droite, qui ont accompli et qui accomplissent les obligations et qui ont délaissé tout ce qui est interdit. L'association majeure est en contradiction complète avec le tawhid obligatoire. Et l'association mineure est en contradiction avec la complétion obligatoire du tawhid. Les innovations dénigrent le tawhid. Les péchés diminuent ses récompenses. Le soumis ne saura réaliser le tawhid qu'en étant épargné des deux formes du polythéisme et aussi des innovations et des désobéissances. Quant au degré supérieur qui est le tawhid qui est réuni et l'obligatoire et le surrogatoire, c'est la réalisation des proches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont rajouté au monothéisme obligatoire la réalisation de toutes sortes de préférables et ils ont délaissé le makrohat, le détestable et certaines choses autorisées. Et ça, c'est la position des proches, des devanciers. Et la réalité de cette situation, c'est que l'âme est complètement tirée vers Allah subhanahu wa ta'ala et orientée complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le devancier, dans le cœur du devancier, il n'y a rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien d'autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est le tawhid se réalise comme cela. Si le tawhid se réalise comme il a été clarifié ici, le soumis obtient la guidée totale et la sécurité absolue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là. Dakar Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam bi sifat aliya lil ghaya wa huwa khalilullah. Sifat aliya هي الغاية في تحقيق التوحيد. قال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد وأثنى عليه بها فقال كان أمة أي إماما على الحنيفية قدوة يقتدى به معلما للخير أو لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة استحق بها اسمها صلوات ربي وسلامه عليه. فإنه أمة على الحق وحده وإمام لجميع الحنفاء يقتدون به في ذلك. كان قانتا كما وصفه الله سبحانه وتعالى أي خاشعا مطيعا والقنوت دوام الطاعة لله عز وجل. كان حنيفا كما وصفه الله سبحانه وتعالى أي منحرفا عن الشرك مائلا إلى التوحيد مقبلا على الله سبحانه وتعالى معرضا عن كل ما سواه ولم يكن من المشركين. فارقهم بالقلب فارقهم باللسان فارقهم بالبدن وأنكر ما كانوا عليه من الشرك وما ذاك إلا من أجل تحقيقه للتوحيد بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين وعاب ما كانوا عليه وكفرهم كما قال الله عنه إنني براء مما تعبدون. فتبرأ من العابد قبل المعبود وضم إلى ذلك أن اعتزلهم فلم يكن منهم بأي اعتبار كان. قال سبحانه وتعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فهذا هو تحقيق التوحيد. وقد وصف الله عز وجل خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتأسي به والاقتداء به. قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله سبحانه وتعالى a qualifié Ibrahim, alayhi salatu wassalam, avec des qualités qui sont le sommet de la réalisation du tawhid. Le verset dans sa traduction approximative nous dit cela. Ibrahim était un guide parfait dans le bien. Il était soumis à Allah, pur monothéiste. Il n'était point du nombre des polythéistes. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, d'Ibrahim, il a qualifié Ibrahim par ses nobles qualités. Et il a fait ses éloges, subhanahu wa ta'ala. Il était un guide vers la hanifia, vers le monothéisme pur, un modèle, un enseignant du bien. Il a réuni les qualités du bien et les comportements louables qui se réunissent dans une noble communauté. Ainsi, il a mérité le terme Umma, communauté. Il était une communauté à lui seul sur la vérité. Et c'est l'imam de tous les hunafa, de tous les monothéistes. Ils le prennent au modèle en cela. Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié de qanit. C'est-à-dire qu'il était constamment concentré dans l'obéissance à Allah. Et il l'a qualifié de hanif. C'est-à-dire monothéiste, déviant de toute forme du polythéisme. Un monothéiste pur, détourné de toute chose et orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et il l'a qualifié comme quoi il n'était pas du nombre des polythéistes. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Ibrahim alayhi salatu salam a désavoué leur polythéisme. Et il a décrété leur mécréance, comme cela est cité dans l'autre verset qui nous dit dans la traduction approximative du sens du verset. Je vous dis à vous, ainsi que ce que vous adorez. Méditez, ici désavoué de l'adorateur avant l'adorer. Et il a rajouté à cela qu'il s'est mis à l'écart d'eux. Il ne fait pas partie d'eux. Et il dit dans la traduction approximative du sens du verset, je m'éloigne de vous et de ce que vous invoquez en dehors d'Allah pour me consacrer à l'adoration exclusive de mon Seigneur, en espérant ne pas être malheureux dans l'invocation que j'adresse à mon Seigneur. Ceci, c'est la réalisation du tawhid. Il nous a été ordonné de prendre Ibrahim alayhi salatu salam comme modèle. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, vous avez un excellent modèle en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, et l'inimitié et la haine demeurent manifestes entre nous jusqu'à ce que vous croyez en Allah. وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين السابقين إلى الجنة وأثنى عليهم بصفات حميدة ومناقب عزيزة. قال سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي خائفون وجلون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يؤمنون بآياته الكونية وآياته الشرعية ثم طبع سبحانه وتعالى على أعمالهم الصالحة بطابع الإخلاص وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره فقال سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون لا يعبدون معه غيره سبحانه وتعالى بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنة بغير حساب ومن لا فلا وذلك لأن الأعمال من حيث هي لا تصح مع الشرك الأكبر فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الشرك الأصغر الله عز وجل سبحانه وتعالى Allah Azza wa Jal a qualifié les devanciers ceux vers les devanciers vers le paradis, hein, parmi les croyants, de louable qualité, il les a qualifiés de louable qualité, et par des nobles vertus. Il les dit dans la traduction approximative du verset dans la description de ces nobles croyants, ceux qui sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur. Hein? Ceux dont les cœurs frémissent de peur d'Allah. Ceux qui croient en ces signes et en ces versets. C'est-à-dire, ils croient en les versets d'Allah et aussi en les signes universels d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clôturé leurs œuvres par la sincérité qui est le fait d'être épargné du shirk mineur et du shirk majeur. Hein? En grande quantité, en petite quantité. Et il est dit dans la traduction, hein, du verset, ceux qui ne lui associent rien, aucun associé. Ils réservent le culte exclusivement à Allah. Ils savent avec certitude qu'il est l'unique qui doit être adoré et qu'il n'a pas besoin, et qu'il n'a besoin de personne, que tout le monde a besoin de lui. Il est évident que celui qui arrive à ce stade, dans la réalisation du tawhid, cela va lui prévaloir le fait de rentrer au paradis sans jugement. Car les œuvres ne sont pas valides avec le polythéisme majeur. Et s'il est épargné du polythéisme majeur, les actes ne seront ni augmentés ni purifiés s'ils sont entachetés de polythéisme mineur. Il doit y avoir une purification, hein, des deux. Faire très attention au polythéisme majeur et s'éloigner aussi, faire très attention au polythéisme mineur, hein, pour que les œuvres puissent arriver, hein, et puis qu'ils puissent prévaloir à la personne l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on arrête là, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا.